بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui notre cours numéro 4 dans l'explication du livre يعني الواجبات المتحتمات يعني المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة. Et donc, avec le charh, bien entendu, le charh de Cheikh Ahmed al-Najmi, rahimahullah. Donc, dans le cours d'aujourd'hui, on est arrivé à l'explication des... Maintenant, l'explication des preuves, des conditions de la ilaha illallah. Parce qu'au dernier cours, on avait expliqué les preuves des conditions de la ilaha illallah, des paroles du Cheikh Abdullah ibn Ibrahim al-Qara'awi. Maintenant, on explique yani, les preuves dans le charh du Cheikh Ahmed al-Najmi. Il va expliquer chacune des preuves qui sont mentionnées dans le Coran et dans la Sunna avec un peu plus de détails. D'accord ? Donc, on va commencer tout de suite. Le Cheikh, il dit... Premièrement, la première condition, al-ilm. Dalil al-ilm. Il dit, qawluhu ta'ala, fa'alam annahu la ilaha illallah. Al-ilmu shartun fi sihhati nutqi biha, ay bila ilaha illallah. Faman qala la ilaha illallah, wa huwa ya'lamu, wa huwa la ya'lamu, بل ربما قد يقع فيما يناقض هذه الكلمة وهو لا يدري فإنه لا ينتفع إلا أن يكون عالما بمعناها من نفي وإثبات ومن الأدلة على ذلك قوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون أي شهد بلا إله إلا الله وهم يعلمون معناها بقلوبهم وما نطقوا به بألسنتهم. Donc, on va lire maintenant la preuve, l'explication de la première preuve, de la première condition, qui est la preuve de la science au sujet de l'obligation, la condition de la connaissance. Lorsqu'on parle de la ilaha illallah, on a expliqué qu'il y a 7 conditions à respecter. La première de ces conditions-là, qui est la plus importante, c'est la connaissance. Et le Cheikh, il a mentionné à ce sujet-là comme preuve le verset 19 dans Surat Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel Allah Azza wa Jal, il dit ce qui signifie « Sache que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Hein? Sache que la ilaha illallah. » Donc « fa'lam » en arabe, c'est une forme du verbe « alima ya'lamu » mais à l'impératif. À l'impératif, c'est-à-dire l'ordre de connaître, l'ordre de savoir. Donc, sache, Allah Azza wa Jal, il dit, sache qu'il n'y a rien qui mérite d'être adoré excepté Allah. Et le fait de dire, de savoir cela, ça c'est une des conditions, bien entendu, qui est établie dans l'islam comme une condition pour la validité de la prononciation de ce témoignage de la ilaha illallah. C'est-à-dire que celui qui dit la ilaha illallah et qui ne sait pas ce que ça signifie, qui ne sait pas ce que ça implique, qui ne sait pas ce que ça annule, qui ne sait pas ce que ça affirme, eh bien, il est possible que cette personne tombe dans ce qui vient en opposition et qui annule même la validité de cette parole-là, alors qu'il ne sait même pas qu'il est en train de contredire ce que cette parole-là établit comme principe et comme pratique et comme croyance et ainsi de suite. Donc, si la personne prononce la parole de la ilaha illallah sans avoir la connaissance de ce que ça signifie et qu'elle tombe dans ce qui contredit la ilaha illallah, eh bien, le cheikh, il dit, alors à ce moment-là, elle ne va pas vraiment profiter de ce que cette parole-là amène, excepté si elle a la connaissance de sa signification et de ce que cela vient nier et de ce que cela vient affirmer. Donc, c'est extrêmement important d'avoir la connaissance. Hein? Ce n'est pas juste de faire répéter à une personne le témoignage de la ilaha illallah, hein, comme un perroquet. Tu lui fais répéter et puis après tu la laisses. Non, il faut lui expliquer tout ce que ça implique, hein, fondamentalement par rapport à la croyance et qu'est-ce que ça implique également par rapport aux actions. Et ensuite, une fois que la personne a compris ça et qu'elle l'a accepté, alors là, à ce moment-là, ça veut dire que la personne a réellement compris et accepté l'islam. Mais si elle fait juste répéter et que tu lui dis pas qu'est-ce que ça signifie ni qu'est-ce que ça implique, yani, alors dans ce cas-là, ça n'a aucune signification. Et ça, c'est vrai pour la ilaha illallah, comme c'est vrai pour n'importe quelle autre signification parmi les choses, même des choses de la dunya. Hein? Si par exemple quelqu'un, par exemple, il te demande de signer un contrat, hein, n'importe quel contrat, que ce soit un contrat d'affaires ou un contrat de, yani pour quelque chose que tu veux, par exemple, t'inscrire dans quelque chose, eh bien, on te demande de signer un contrat. Et est-ce que quelqu'un va signer un contrat sans lire qu'est-ce que ce contrat-là a comme clause et qu'est-ce qu'il y a comme règle et comme condition? Non. Et celui qui le fait, eh bien, il le fait à ses risques et périls. Pourquoi? Parce que il ne sait pas dans quoi réellement il va s'embarquer, comme on dit. Peut-être que ce contrat-là, hein, il ne sera pas capable de le respecter. Et donc, à cause de ça, il va avoir des pénalités. Ou bien, peut-être qu'il va yani, signer un contrat qui est, yani, disons, c'est un contrat qui a quelque chose dedans qui n'est pas clair. Peut-être qu'il se fait avoir aussi. Donc, c'est important, dans des choses de la dunya, de bien lire les clauses et de bien connaître le contrat avant de signer. Et lorsque tu dis la ilaha illallah, c'est la même chose. Tu dois savoir exactement ce que ça signifie et ce que ça implique. Et ça ne veut pas dire, bien entendu, que tu vas, avant de dire la ilaha illallah ou avant que quelqu'un accepte l'islam, il doit étudier l'islam du début jusqu'à la fin pour yani, connaître l'islam au complet. Et puis après ça, hein, après des années d'études, là, il va dire la ilaha illallah. Non, ça c'est yani, impossible. Et personne n'aura le temps, ni la possibilité, ni la capacité de faire ça. Hein? Et on ne sait jamais, sûrement, yani, beaucoup de gens auraient le temps de mourir avant même d'avoir terminé d'apprendre cette religion. Mais l'important, c'est de connaître le fondement et le principe fondamental de cette religion qui est la ilaha illallah. Donc, si la personne, elle comprend qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça signifie, eh bien, à ce moment-là, ça, c'est suffisant. Si elle est convaincue de qu'est-ce qui est fondamental dans l'islam, eh bien, le reste, hein, ça vient avec, puisque, yani, ça vient d'Allah, et la personne a compris que tout ce qui vient dans l'islam, ça vient d'Allah, donc elle accepte tout ce qui vient avec. Hein? Ça, c'est normal. Et pour que son témoignage soit valide, il faut qu'elle ait témoigné de ce principe-là avec connaissance. Hein? Parce qu'on voit beaucoup de musulmans à l'heure actuelle, dans le monde musulman, qui disent « La ilaha illallah » et qui le contredisent dans leurs propos et dans leurs paroles, dans leurs actions. Ils font du shirk, hein? Ils adorent des tombes, ils prient à des morts. Et puis pourtant, ils disent « La ilaha illallah », ce qui est en opposition totale avec justement ce qu'ils font. Et pourquoi ces choses-là se produisent? Pourquoi des gens disent « La ilaha illallah » puis malgré ça, ils vont tomber dans le shirk et faire des choses qui sont kufr et ils pensent qu'ils sont musulmans malgré tout? Eh bien, c'est parce que ces gens-là n'ont pas compris la réalité de ce que signifiait ce témoignage de « La ilaha illallah ». De là, l'importance de comprendre ce témoignage-là et sa signification. Puisque une des raisons pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a été combattu par les Arabes qui refusaient de prononcer justement cette parole. La raison pour laquelle ils refusaient de le prononcer, c'est parce qu'ils avaient compris sa signification et qu'ils ne voulaient pas se contredire. Hein? Ils ne voulaient pas se contredire. Ils voulaient continuer à adorer leurs idoles. Et ils savaient que de dire « La ilaha illallah », c'est une parole qui allait impliquer qu'ils devaient cesser d'offrir un culte et d'adorer leurs idoles. Et qu'ils devaient maintenant, après avoir prononcé cette parole-là, n'offrir un culte qu'à Allah le Créateur seulement. Et eux, ils n'étaient pas prêts à abandonner leur idolâtrie et leur kufr et leur shirk. Alors, qu'est-ce qu'ils ont préféré faire? Au lieu de prononcer et d'accepter l'islam et de prononcer la ilaha illallah, ils ont préféré combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et s'opposer à sa da'wa, hein, plutôt que de se contredire eux-mêmes. Et ceux qui ont accepté de prononcer la ilaha illallah, c'est uniquement ceux qui avaient accepté et qui avaient cru et qui avaient compris qu'est-ce que ça impliquait et qui étaient d'accord avec ça et qui étaient d'accord avec la vérité qui est là-dedans, de cesser l'idolâtrie, de cesser le shirk et d'adorer Allah seul. Une fois qu'ils avaient compris ça, eh bien là c'était facile pour eux d'abandonner les idoles et d'adorer Allah Azza wa Jal et de se soumettre à lui entièrement. Donc ça, c'est qu'est-ce que les gens aujourd'hui doivent comprendre s'ils veulent se sauver dans leur religion et rester musulmans jusqu'à la mort. Ils doivent comprendre cette signification et cette condition de la ilaha illallah. Le cheikh, il dit également parmi les preuves de la ilaha illallah et que la condition de la connaissance est fondamentale, il y a le verset 86 dans Sourate Az-Zukhruf, dans lequel Allah Azza wa Jal, il dit ce qui signifie et donc il dit excepté ceux qui témoignent de la vérité, c'est-à-dire qui témoignent de la ilaha illallah en vérité et qui savent. Et le cheikh explique que ça veut dire ils témoignent de la ilaha illallah et ils savent sa signification dans leur cœur et ils le prononcent avec leur langue. Donc ça vient encore une fois clarifier que il faut avoir la connaissance. Puisque Allah, il dit, إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Excepté ceux qui témoignent de la vérité, de la ilaha illallah, ils témoignent en vérité, et ils savent, ils ont la connaissance. Donc il faut connaître la signification. Et il dit ensuite, وَمِنَ السُنَّةِ الْحَدِيثُ الثَّابِتِ الْحَدِيثُ الثَّابِتِ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عُثْمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة أي يعلم علم اليقين أن كل مألوه سوى الله فإنه قد أُلِه وعبد بباطل وأن الله هو الإله الحق الذي تجب العبادة له وحده لا شريك له. Donc le cheikh il explique que dans la sunna il y a également des preuves de cette condition qui est le hadith authentique rapporté dans le sahih de l'imam, c'est le sahih de l'imam muslim. Selon Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque meurt en sachant que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, il entre au paradis. » C'est-à-dire, il sait avec certitude et conviction que toute chose qui est adorée en dehors d'Allah, alors cette chose a été adorée dans le faux, et que seul Allah, qui est la divinité véridique et vraie, c'est lui seul qui mérite d'être adoré et à qui on doit offrir notre adoration obligatoirement, sans aucun partenaire et sans associé. Donc ça, c'est la première condition de la ilaha illallah. La deuxième condition de la ilaha illallah, l'explication des preuves à ce sujet-là, yani on va expliquer, c'est dalil al-yaqin, les preuves de la deuxième condition qui est al-yaqin, la conviction en la ilaha illallah et la certitude. La preuve, il dit le Cheikh, قوله تعالى إن الذين آمنوا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا يعني لم يشكوا في هذه الحقيقة وهي شهادة أن لا إله إلا الله وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون الذين صدقوا القول بالفعل فاشترط في تصديق إيمانهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابوا والارتياب هو الشك وضعف اليقين. Donc ici le cheikh il explique que la preuve de la condition de la certitude et de la conviction, c'est le verset qu'on a mentionné dans le cours précédent, le verset 15 dans sourate Al-Hujurat, dans lequel Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie les croyants ne sont que ceux qui ont cru en Allah et en son messager, puis qui n'ont point douté. C'est-à-dire, le cheikh explique qu'ils n'ont point douté en cette réalité-là. C'est-à-dire que le témoignage de la ilaha illallah, c'est une vérité et une certitude. Il faut avoir la conviction en cette réalité-là. Et ils ont lutté, hein, ils ont lutté avec leur bien et avec leur personne dans le sentier d'Allah pour élever cette parole et pour défendre cette vérité. Ceux-là sont les véridiques, ceux qui ont confirmé par leurs actions la parole qu'ils ont prononcée avec leur langue. Et la condition de yani, d'avoir la foi et d'avoir la foi et la croyance sincère en Allah et en son messager, et le fait qu'il n'ait pas de doute, hein, qu'il n'ait pas de doute, Allah Azza wa Jal, il dit, « ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُ وَالْإِرْتِيَابُ وَالْرَيْبُ » C'est le doute et la faiblesse dans la conviction. Donc ça, c'est des choses qui sont en contradiction avec cette condition-là qui est « al-yaqin ». Donc le fait que Allah Azza wa Jal mentionne qu'ils ne doivent pas douter, eh bien, c'est la preuve qu'ils ont l'obligation d'être convaincus et que la conviction est une condition, hein, est une condition pour la validité de ce témoignage. Il dit « Wa fi hadith al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu fi hadith su'al al-malakayn munkar wa nakir fi al-qabr wa qawluhu fa amma al-murtab al-munafiq al-shak fa innahu hina yus'al يقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته والعياذ بالله اللهم املأ قلوبنا إيمانا ويقينا ومنحنا عافية تحفظ بها قلوبنا من الزيغ حتى نلقاك. Donc ici le cheikh il explique qu'il y a un hadith qui est rapporté selon Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu qui mentionne justement les deux anges Munkar et Nakir qui viennent dans la tombe pour questionner chaque individu lorsqu'il meurt et yani, il mentionne dans ce hadith que la personne qui est hypocrite et qui a des doutes, hein, la personne qui est Al-Murtab, c'est-à-dire qui est dans le doute, qui a qui est hypocrite et qui a des doutes dans sa foi, lorsque les anges viennent lui questionner ou lui poser la question à propos de qui est son Seigneur, quelle est sa religion, qui est son messager, lui il répond, il dit ha ha, je ne sais pas, hein, et il dit j'ai entendu les gens qui disaient quelque chose et je l'ai répété. C'est-à-dire que Allah al-musta'an, et le cheikh il dit wa la'iyadhu billah, que Allah nous préserve. Mais ça, c'est une chose que les hypocrites, ils répètent, hein, sans conviction. C'est-à-dire, ils voient que tout le monde répète « La ilaha illallah ». Alors, ils le disent eux aussi, sans avoir eux-mêmes la conviction en cette parole et en cette signification-là de « La ilaha illallah ». Donc, le cheikh, il fait un doua, il dit « Oh Allah, remplis nos cœurs de foi et de conviction et yani, donne-nous un pardon, hein, et épargne-nous ». Yani, de manière à ce que nos cœurs soient préservés de la déviation jusqu'à ce qu'on te rencontre. Donc ça, c'est très, très important. Et aussi, il y a des gens comme ça, on a remarqué, on a constaté ça des fois, dans certains groupes d'amis qui se convertissent à l'islam, et que parfois, certains d'entre eux, ils vont accepter l'islam, non pas par conviction, mais parce que leurs amis se sont convertis et parce qu'ils ne veulent pas être exclus. Donc, ils disent, ah bon, puisque eux, ils se convertissent tous à l'islam, eh bien, moi aussi, je vais me convertir pour ne pas être exclu du groupe, soi-disant. Et ils le répètent. Donc, ils répètent la ilaha illallah sans avoir vraiment la conviction. Et c'est la même chose pour d'autres cas aussi. Il y a des gens, parfois, dans certains quartiers, qui acceptent la sunna et qui décident de s'accrocher à l'islam de façon plus sérieuse et d'adhérer aux principes de l'islam tels que les sahaba l'ont suivi, hein, et tels que les ulama des salaf l'ont prêché. Donc, ils acceptent ces principes, hein, des frères et des sœurs, et puis certains, ils suivent aveuglément parce qu'ils n'ont pas de conviction. Ils font juste faire comme les autres. Et puis après, tu remarques à la moindre petite épreuve et au moindre petit problème, à la moindre fitna qui arrive, beaucoup d'entre eux, ils débarquent rapidement du bateau, comme on dit. Hein? Ils sautent du bateau. Donc ça, c'est pas surprenant pour des gens qui manquent de conviction, qui manquent de certitude et qui manquent de connaissances aussi. De suivre aveuglément les autres et puis de lâcher aussitôt que ça ne va pas dans leur sens. Allah al-Musta'an. Donc c'est important de renforcer notre conviction et notre certitude avec de la science, et avec de la sincérité pour que Allah Azza wa Jal nous raffermisse. Et raffermissent nos cœurs sur cette vérité et qu'ils nous gardent sur la foi jusqu'à la mort. Amin. Après le cheikh, il dit « Wa qawluhu wa minas sunnah al-hadithu thabit fi sahih an Abi Huraira radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah la yalqallah bihima abdun ghayru shakin fihima illa dakhal al-jannah. وهذا قاله حينما كان هو وأصحابه سائرين في غزوة تبوك ونفدت أزوادهم فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحروا بعض رواحلهم فأذن لبعضهم فجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إنك إن أذنت لهم في نحر رواحل في نحر رواحلهم قل الظهر ولكن فليجمعوا ما عندهم من بقايا أزوادهم ثم ادعوا الله فيها بالبركة ففعل النبي صلى الله عليه وسلم فكان هذا يأتي ببره وهذا يأتي بتمره حتى اجتمع شيء من ذلك فدع الله عز وجل وأمرهم فجاءوا فملأوا ما عندهم من أوان حتى فضلت فضلة عند ذلك قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة وفي رواية فيحجب عن الجنة وكذا جاء في الحديث الطويل الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه وذكر فيه قوله صلى الله عليه وسلم من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله إلا مستيقنا بهما قلبه فبشره بالجنة وذلك حين أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم نعليه وأمره أن يبشر الناس فبشرهم وهذه الأحاديث ربما ظن بعض طلبة العلم أن ذلك يكون دخولا للجنة لأول وهلة، والحقيقة أن ذلك وعد بدخول الجنة لمن مات على التوحيد، وقد يكون ذلك بدون عذاب أو بعد عذاب. فالموحد الذي يموت على التوحيد لا يلقى الله ببعض الذنوب، فهو تحت المشيئة. فالموحد الذي يموت على التوحيد ويلقى الله ببعض الذنوب فهو تحت المشيئة، إن شاء الله عفى عنه فأدخله الجنة بدون عذاب، وإن شاء أدخله النار حتى يطهره وينقيه من ذنوبه، ثم بعد ذلك يدخله الجنة. فالإخبار بأنه يدخل الجنة قد يكون ممن يدخلها بلا حساب ولا عذاب من أول أمره، وقد يكون هو إخبار بمآل أمره، أي أن مآله سيكون دخوله إلى الجنة سواء كان ذلك بعد عذاب أو بدون عذاب. وبهذا تجتمع الأدلة. Donc, on va expliquer maintenant ce qu'on vient de lire. Il y a aussi également, le cheikh il dit dans la sunna des preuves à ce sujet, au sujet de la certitude et de la conviction. Et il mentionne un hadith authentique rapporté dans As-Sahih. Et on a expliqué déjà que c'était le Sahih de l'imam Muslim. Et il dit... Il dit donc que c'est rapporté selon Abu Huraira radiallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: je témoigne que la ilaha illallah, je témoigne de la ilaha illallah et que Muhammad, il dit: je témoigne que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah et que je suis le messager d'Allah. Et il dit: nul serviteur ne va rencontrer Allah avec ces deux témoignages sans avoir de doute en ces deux témoignages, excepté qu'il va rentrer au paradis. Et le cheikh, il dit que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, à ce moment-là, c'était un moment dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en expédition avec les compagnons lorsqu'il se dirigeait vers la ville de Tabouk. D'accord. Donc il avait fait cette expédition avec les Sahaba vers Tabouk, et à un moment donné, il n'avait plus de provisions. Alors ils ont demandé au messager d'Allah. Ils ont demandé au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, la permission pour dégorger leur monture, leur chameau, pour les manger parce qu'ils n'avaient plus de nourriture. Alors, Omar radiallahu anhu, le hadith mentionne qu'ils ont demandé donc la permission au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire ça, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait permis à certains d'entre eux de le faire. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit: ô messager d'Allah, si tu leur permets dégorger leur monture, alors il y aura moins de monture à monter, donc ça va être plus difficile pour eux de faire le voyage. Alors il dit: dans ce cas-là, qu'est-ce qui serait préférable? Ce serait qu'ils réunissent tout ce qu'il leur reste comme provision, et que toi tu invoques la bénédiction d'Allah sur ce qui leur reste, et comme ça, Allah Azza wa Jal va augmenter la quantité de nourriture qu'ils ont. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ça. Il a donc demandé à tout le monde de ramener ce qui leur restait. Et donc certains, ils arrivaient avec qu'est-ce qu'ils avaient comme blé. D'autres, ils ramenaient ce qu'ils avaient comme date, et ainsi de suite. Et puis finalement, quand ils avaient fini de rassembler toute la nourriture, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah, et donc il leur a ordonné de rassembler toute la nourriture, et ils ont rempli un gros contenant, et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'invocation sur leur nourriture, eh bien, la nourriture a commencé à augmenter, hein, jusqu'à ce que ça commence à déborder, hein. Et donc, à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, hein, je témoigne que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah et que je suis le messager d'Allah. Nul serviteur ne va rencontrer Allah avec ces deux témoignages, hein, sans avoir aucun doute, hein, en ces deux témoignages, excepté qu'il va rentrer au paradis. Et dans une autre narration, c'est mentionné « Fayuhjab anil jannah ». C'est ça. Donc, ici, on dirait que la signification, ce serait « Fayuhjab anil jannah », c'est-à-dire il va être voilé, hein, du paradis. Donc, le cheikh, il explique ici, il dit que ça, c'était dans un autre... Il y a aussi un autre hadith à ce sujet-là, qui est long, qui a été rapporté selon Abu Huraira radiyallahu anhu par l'imam muslim. Et dedans, il y a la mention que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque tu rencontres derrière ce mur et qui témoigne que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah avec conviction dans son cœur pour cette parole, alors donne-lui la bonne nouvelle ou la belle annonce qu'il aura le paradis. Et le cheikh, il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné cette parole lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait donné ses sandales aux compagnons et il lui a ordonné d'annoncer la bonne nouvelle d'annoncer aux gens cette bonne nouvelle. Alors il leur a donné cette bonne nouvelle. Et le cheikh explique que ces hadiths-là, il faut les comprendre comme il faut. Quand on dit qu'ils vont rentrer au paradis, hein, qu'est-ce que ça signifie? Le cheikh, il dit qu'il y a certains parmi les étudiants en sciences, ils s'imaginent que lorsque le hadith mentionne qu'ils vont rentrer au paradis, ils pensent que ça veut dire qu'ils vont rentrer au paradis du premier coup, directement. Il dit, le cheikh, que la réalité, c'est que dans ces hadiths, quand on mentionne qu'ils vont rentrer au paradis, c'est-à-dire que c'est une promesse qu'ils vont rentrer au paradis pour celui qui meurt sur le tawhid. Mais c'est possible qu'ils rentrent au paradis sans châtiment, mais c'est aussi possible qu'ils rentrent au paradis après avoir subi un châtiment. Il dit parce que les gens qui sont morts sur le tawhid, ils vont rencontrer, et s'ils rencontrent Allah avec quelques péchés, hein, eh bien, ils sont sous la volonté d'Allah Azza wa Jal à ce moment-là. C'est Allah qui va décider de leur sort. S'il décide, et s'il veut, il va leur pardonner leurs péchés et les faire rentrer au paradis sans les châtier. Et s'il veut, il peut aussi les châtier, les faire rentrer dans l'enfer pour un certain temps, dans le but de les purifier et de les nettoyer de leurs péchés. Puis ensuite, il les fera rentrer au paradis. Et ça, c'est seulement pour les gens du tawhid, les gens qui sont morts sur la foi. Et il dit que lorsque on lit dans le hadith que on va rentrer au paradis, eh bien, comme le cheikh explique, c'est possible qu'on rentre sans avoir ni jugement ni châtiment du premier coup, hein? Et c'est possible également que c'est pour nous dire en fait que notre destination finale sera le paradis, c'est-à-dire que à la fin on va terminer, on va rentrer au paradis à la fin, mais c'est soit après avoir reçu un châtiment ou soit sans avoir eu de châtiment, selon la situation et selon ce que Allah a décidé par rapport à cette personne. Et c'est ainsi qu'on peut réunir donc les preuves à ce sujet-là et les hadiths qui parlent de ces choses-là. Non. Donc ça, c'est ce qui est pour la deuxième condition de la ilaha illallah. La troisième condition de la ilaha illallah, c'est dalilul ikhlas, la preuve de la pureté hein, dans l'adoration et de la sincérité. Le cheikh explique, il dit qawluhu ta'ala ala lillahi ad-dinul khalis wa qawluhu wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din wa min as-sunnati al-hadith ath-thabit an Abi Hurairah radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam as'adu an-nas bi shafa'ati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw qala من خالصا من نفسه وفي الحديث الصحيح عن عتبان ابن مالك رضي الله عنه إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله نعم وللنساء من في عمل اليوم والليلة من حديث رجلين من الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مخلصا بها قلبه يصدق بها لسانه إلا فتق الله لها السماء فتقا حتى ينظر إلى قائلها من أهل الجنة من أهل الأرض وحق لعبد نظر الله إليه أن يعطيه له أقول الإخلاص مأخوذ من الخلوص وهو الصفا والنقاء قال تعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم من مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين فقوله لبنا خالصا أي قد خلص وصفي ونقي من بين الأشياء التي خرج منها فذلك الإخلاص هو الصفاء والنقاء بأن يقول هذه الكلمة خالصة لله لا يريد بها شيئا من أمور الدنيا العابرة وإنما يريد بها الدينونة الدينونة يعني الديانة أن يدين الله بها ويتدين بها لله يعني الدينونة لله رب العالمين بحقه على عباده الذين ألزمهم به وهو أن يعبدوه وحده لا شريك له فالإخلاص هو ما يكون كذلك اللهم اجعلنا لك مخلصين وعلى نهج رسولك تابعين Naam. Donc, on va expliquer maintenant cette troisième preuve, parmi les preuves du témoignage de la ilaha illallah, parmi les preuves des conditions de la ilaha illallah, c'est la troisième, al-ikhlas. On a dit que al-ikhlas, c'est la pureté dans la croyance et dans l'adoration, c'est-à-dire de rendre notre adoration pure pour Allah seul. Et donc, quand tu dis la ilaha illallah, tu dois le dire avec pureté. Et avec intention sincère et pure pour Allah uniquement. Et ça, c'est la preuve qui est mentionnée ici, c'est le verset 3 dans Surat Az-Zumar, dans lequel Allah Azza wa Jal dit, n'est-ce pas à Allah qu'appartient la religion pure, c'est-à-dire le fait de vouer un culte pur à Allah seul, n'est-ce pas que c'est à lui que ça appartient, bien entendu, que ça appartient qu'à lui, et donc que toute notre adoration doit être à lui seul. Et le verset 5 dans Surat Al-Bayyina, dans lequel Allah Azza wa Jal, il dit ce qui signifie, « Et il n'avait été ordonné, en parlant des gens du livre, il n'avait été ordonné que d'adorer Allah en lui vouant un culte pur, en lui purifiant, en purifiant pour lui leur religion. » Donc ça, c'est ce qui, à la base, leur avait été ordonné. Malheureusement, ils ont contredit cet ordre. Et parmi les preuves de la sunna, le hadith authentique qui est rapporté par l'imam al-Bukhari ou par l'imam al-Bukhari selon Abi Huraira radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la personne qui sera la plus heureuse de mon intercession c'est celle qui dit « La ilaha illallah » hein, avec pureté dans son cœur. Hein, pureté de son cœur. C'est-à-dire, il y a une pureté de son cœur dans une autre narration avec pureté de son âme. Donc, c'est-à-dire qu'il le dit avec sincérité. Il le dit que pour Allah et pour rien d'autre. Il dit ensuite, au fils sahih, donc dans le hadith authentique également rapporté par Al-Bukhari, selon Utban ibn Malik, radiyallahu anhu, il dit que Allah Azza wa Jal a interdit l'enfer à quiconque dit la ilaha illallah et il ne recherche par cela que le visage d'Allah. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'autre intérêt, d'autre intention que de plaire à Allah seul hein, et de rechercher son visage. Il rapporte également un autre hadith qui est rapporté par l'imam al-Nasa'i dans Amalul Layla, hein, Amalul Yawm al-Layla. Donc, c'est-à-dire les œuvres du jour et de la nuit. Et dans ce livre, il y a des invocations à dire le jour et la nuit. Et il y a un hadith rapporté par deux parmi les sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans ce hadith, « Quiconque dit la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. » C'est-à-dire, rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Lui seul, il n'a pas de partenaire. C'est à lui qu'appartient le royaume, c'est à lui qu'appartient la louange et il a le pouvoir sur toute chose. Et qui le dit purement de son cœur et qui confirme, qui le confirme avec sa langue, excepté que Allah Azza wa Jal ouvre les cieux pour le regarder hein, parmi les habitants de la terre. Il regarde celui qui dit cette parole parmi les habitants de la terre. Et il dit, et c'est un devoir pour Allah que quiconque il regarde hein, parmi les serviteurs, qu'il lui donne ce qu'il a demandé. Hein, qu'il donne à ce serviteur ce que ce serviteur a demandé. Et ça, c'est donc rapporté par An-Nasa'i dans Amalul Yawm al-Layla. Toutefois, le hadith en question n'est pas authentique. Cheikh Al-Albani, il l'a mentionné dans le Da'if de At-Targhib wa At-Tarhib, il l'a mentionné comme étant Munkar, le hadith 932. Le Cheikh, il dit ensuite, Aqoul, il dit donc, je dis, Cheikh Ahmed Al-Najmi, rahimahullah, il dit donc que Al-Ikhlas, c'est tiré du mot Al-Khulus. Al-Khulus, qui veut dire la pureté, la propreté et la pureté. Et il cite à ce sujet-là le verset 66 dans Surat An-Nahl. Et le verset 66 dans Surat An-Nahl, c'est un verset dans lequel Allah Azza wa Jal, donc, il clarifie justement la signification linguistique du terme yani khalisan. Donc, c'est la signification du verset 66 dans Surat An-Nahl qui signifie « Il y a certes un enseignement pour vous dans les bestiaux », c'est-à-dire les bétails, les animaux. Il dit « Nous vous abreuvons de ce qui est dans leur ventre, un produit extrait de mélange des intestins hein, et du sang. Un lait pur, délicieux pour les buveurs. » C'est-à-dire que c'est un produit qui sort du ventre de l'animal. Et dans le ventre de l'animal, il y a hein, les excréments, il y a le sang, il y a toutes sortes d'autres choses. Malgré toutes ces choses-là qui sont à l'intérieur de l'animal, eh bien Allah Azza wa Jal, il fait sortir d'entre toutes ces choses un lait qui est pur hein, pour ceux qui veulent le boire. Donc ça, c'est parmi les signes hein, d'Allah Azza wa Jal. Et le Cheikh, il explique que ça, c'est le terme qui est mentionné, un lait pur, c'est-à-dire khalisan. Et donc, khalisan, quand tu dis le lait pur, ça veut dire qu'il a été débarrassé de toutes les impuretés, de toutes les saletés qui pouvaient être mélangées avec. Et donc, c'est ce que signifie le terme ikhlas. C'est la propreté et la pureté. Et c'est de là que vient ce terme, hein, lorsqu'on l'utilise par rapport à Allah, hein, d'être mukhlis ou d'être khalis, hein, lillah, eh bien ça signifie également la même chose, c'est-à-dire la pureté. Et la pureté et la sainteté, le fait que quelque chose soit purifié pour Allah, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune saleté dedans, aucune autre intention pour des choses autres que pour Allah. Donc, quand tu le fais pour Allah avec ikhlas, c'est-à-dire tu veux uniquement la foi et l'adoration d'Allah par cette action-là, et non pas quelque chose de la dunya. D'accord? Donc tu le fais uniquement pour Allah, le Seigneur des mondes, hein, à cause du droit qu'il a sur ses serviteurs et qu'il nous a imposé de l'adorer lui seul, sans partenaire et sans associé. Donc la pureté, hein, c'est d'être pur dans notre adoration envers Allah et dans notre témoignage de la ilaha illallah. Et on demande donc à Allah Azza wa Jal de faire de nous des serviteurs purs et pieux, et qui purifient leur adoration pour Allah seul, et qui suivent la voie du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est le doua du cheikh ici. Après, il mentionne la preuve pour la quatrième condition de la ilaha illallah, c'est dalil al-sidq. Et al-sidq, c'est la véracité, la sincérité. Donc il dit, le cheikh, il dit, وَقَوْلُهُ تَعَالَى أَلِفْ لَمْ مِمْ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ وَقَوْلُهُ فِي حَقِّ الْمُنَافِقِينَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ والمرض المراد به مرض النفاق والشبهة وهو الشك في صحة ما يؤمن يعني ويقول به عباد الله المؤمنين من ما يقول به عباد الله المؤمنون من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وفي الصحيحين عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ وقوله في حق المنافقين ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Donc on a lu ça déjà. والمراد مرض النفاق والشبهة وهو الشك. Donc on a lu ça aussi. وأن محمد رسول الله وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صادقا من قلبه إلا حرمه على النار فالصدق هو موافقة الظاهر للباطن بأن يتفق القلب واللسان على هذه الشهادة ولم يكن كاذبا مدعيا لما ليس فيه كالمنافقين الذين قالوها بألسنتهم وقلوبهم تكذب ألسنتهم فهؤلاء كذبهم الله فقال جل من قائل يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم وقال سبحانه إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فمن شهد بهذه الشهادة صادقا متواطئا قلبه مع لسانه عليها معتقدا وجوب هذه الشهادة والعمل بها وعدم مخالفتها فذلك هو المؤمن الذي حرمه الله على النار أما من قال من قال بلسانه خلاف ما في قلبه وشهد بما لم يعتقده فذلك لا تنفعه شهادته نعوذ بالله من حبوط العمل وأن يقول الإنسان ما لم يعتقده. Donc ça c'est en ce qui concerne la quatrième condition de la ilaha illallah, c'est as-sidq, la véracité, d'être véridique. Et c'est yani, le fait de ne pas être hypocrite, en fait, de ne pas mentir lorsqu'on dit la ilaha illallah. Et il mentionne à ce sujet-là le verset 1 à 3 dans Surat Al-Ankabut, dans lequel Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie Alif Lam Mim, est-ce que les hommes pensent que nous les laisserons dire là, nous les laisserons dire qu'ils croient? Donc est-ce qu'on les laissera dire la ilaha illallah sans qu'ils soient éprouvés et testés? Nous avons certes testé ceux qui étaient avant eux, hein, ceux qui ont vécu avant eux, pour que Allah sache ceux qui sont véridiques et ceux hein, pour qu'ils sachent qui sont menteurs. Et il dit également à propos des hypocrites dans le verset 8 à 10 dans Surat Al-Baqarah, ce qui signifie, et parmi les hommes, il y en a qui disent, nous croyons en Allah et au jour dernier, mais ils ne sont pas croyants. Ils tentent à tromper Allah et ceux qui ont cru, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes. Ils ne s'en rendent pas compte. Dans leur cœur, il y a une maladie, et Allah fait croître leur maladie. Hein? C'est l'hypocrisie. Hein, et ils auront un châtiment douloureux yani parce qu'ils ont menti. Donc la maladie en question ici, ce qui est désigné par la maladie, c'est la maladie de l'hypocrisie, la maladie des doutes et des ambiguïtés dans la religion. Le fait d'avoir des doutes, le fait d'avoir des choses qui nous mettent du trouble dans notre foi. Donc c'est ça la maladie en question. Et c'est-à-dire que lorsque la personne elle doute en la validité de ce en quoi elle croit et qu'elle dit elle a des doutes en ce que les croyants ont comme parole, par exemple, les témoignages des croyants lorsqu'ils disent que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. Donc celui qui a des doutes en ce témoignage-là et qui a des problèmes dans sa foi par rapport à ça, c'est ça la maladie qui est désignée dans les versets qui traitent de l'hypocrisie des munafiqin, hein, des hypocrites. Et il cite également comme exemple le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu. On m'a mentionné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mu'adh ibn Jabal, personne, nul ne témoigne de la ilaha illallah, que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah et que Muhammad est son serviteur et son messager, avec sincérité dans son cœur, avec véracité dans son cœur, excepté que Allah lui interdira l'enfer. Et le cheikh explique que as-sidq, hein, qu'est-ce qu'on traduit comme étant la véracité, hein, ou la sincérité, c'est le fait que qu'est-ce qui est apparent de ta personne est en accord avec ce qui est caché à l'intérieur. Donc, c'est-à-dire que ton apparence extérieure est en accord avec qu'est-ce qui est dans ton cœur. Et donc, si qu'est-ce qui est dans ton cœur et qu'est-ce qui est sur ta langue comme témoignage, ça, c'est les deux sont en accord, c'est-à-dire c'est en harmonie, alors dans ce cas-là, c'est bon. Hein? Tant que la personne, elle n'a pas donc été dans le fait de mentir par rapport à qu'est-ce qu'elle prétend, lorsqu'elle dit la ilaha illallah, hein? Donc contrairement aux hypocrites, eux qui lorsqu'ils disent quelque chose avec leur langue, leur cœur, et dans leur cœur il y a le contraire. Donc ceux-là, Allah Azza wa Jal les a démentis dans le Coran, et il cite à ce sujet-là plusieurs exemples, comme le verset 11 dans Surat Al-Fath, dans lequel Allah Azza wa Jal il dit, à propos des hypocrites, qu'ils disent avec leur langue ce qui n'est pas dans leur cœur. Hein? Et il mentionne également le verset 1 dans Surat al-Munafiqun, justement, dans lequel Allah Azza wa Jal, il dit ce qui signifie, et lorsque te viennent les hypocrites, ils disent, nous témoignons que tu es le messager d'Allah. Et Allah sait que tu es certes son messager, et Allah témoigne que les hypocrites sont des menteurs. Hein? Donc celui qui témoigne de ce témoignage avec véracité, avec sincérité, et que qu'est-ce qu'il y a dans son cœur et qu'est-ce qu'il y a sur sa langue, les deux sont pareils, hein, et qu'il croit en l'obligation de ce témoignage et qu'il le met en pratique et qu'il ne le contredit pas, hein, alors ça c'est le croyant, le vrai croyant, celui que Allah pour celui pour qui Allah a interdit l'enfer. Tandis que celui qui dit la ilaha illallah avec sa langue mais qui le contredit avec son cœur, hein, il témoigne de ce qu'il ne croit pas réellement, alors celui-là il ne va pas profiter réellement de ce témoignage. Qu'Allah nous préserve de, yani, du fait que nos œuvres soient annulées ou que nos œuvres deviennent vaines. Hein? Et que on dit, qu'une personne dise, yani, ce qu'elle n'a pas cru réellement dans son cœur. Donc ça, c'est la condition, pour la condition numéro 4. De As-Sidq, on est arrivé maintenant à la condition numéro 5, mais on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Et au prochain cours, on expliquera les preuves de l'amour, hein? Les preuves de l'amour et également ensuite la condition numéro 6, c'est Al-Inqiyad. D'accord. Et ensuite, la dernière qui est Al-Qaboul, hein, condition numéro 7. Naam. Donc ça, c'est la suite au prochain cours, Inch'Allah. Et le sujet suivant qui arrive après celui-ci, c'est les annulatifs de l'islam. Donc ça, on va les expliquer par la suite, Inch'Allah. Donc, on s'arrête pour aujourd'hui ici. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.